بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va continuer inshallah ta'ala la série de cours sur le tafsir de sourate Al-Mulk. Et aussi, j'aurai une question donc, que je vais poser, pas à vous, mais aux membres de ma famille. Tous les membres de ma famille, à qui j'ai déjà annoncé que j'allais leur poser une question aujourd'hui et qu'il fallait qu'ils écoutent la radio, et que même s'ils n'écoutent pas la radio, je mets la question sur le site et que j'envoie à chacun d'entre eux. Mais question aussi que je vais poser à tous les chrétiens. Je ne pense pas qu'à ma famille, mais on va penser à tout le monde. Et que vous aussi, vous allez pouvoir, Inch'Allah ou Ta'ala, transmettre cette question aux chrétiens que vous connaissez. On est arrivé à la parole d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il dit « Amintu man fis sama' an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur » Êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus du ciel, êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus du ciel ne fasse que la terre s'effondre alors que celle-ci tremble? فَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى Ceci est une lourde menace venant d'Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى, une menace à tous ceux qui ne veulent pas croire au prophète qu'il a envoyé. Et tous ceux qui persistent dans sa désobéissance, تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَعْذِيبِ عِبَادِهِ Et donc il est celui qui est capable de châtier ses serviteurs comme il le veut. وَعَلَى إِهْلَاكِهِمْ Il est capable de les faire périr. Alors obéissez-le et soumettez-vous à lui, تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَفِي هَذَا إِثْبَاتُ عُلُوِّ اللَّهِ Il y a aussi en cela, dans ce verset, le fait d'affirmer le fait que Allah est au-dessus du ciel. Certes, il y a des groupes parmi les groupes qui s'affilient à l'islam. Il y en a certains donc qui vont rejeter le fait que Allah s'est établi sur son trône. Alors que ceci est clair. Ce verset est utilisé parmi certains innovateurs pour dire qu'on ne peut pas dire que Allah est au-dessus du ciel. J'ai parlé de ça avec un jeune enfant de 12 ans. 12 ans. Sa mère l'a envoyé vers moi en Tunisie, lorsqu'on était en Tunisie. Lui, il était en vacances en Tunisie, et moi aussi. Sinon, il vient d'une autre ville, il habite en France. Et comme tous parents, ils aiment que leurs enfants, ils apprennent le Coran, etc. Et donc, sa mère envoyait son fils pour apprendre le Coran à la mosquée. Mais un jour, son fils, il est revenu en disant à sa maman, « Maman, je suis Habashi. Je suis Habashi. » Mais ça veut dire quoi, Habashi? Maman, on ne peut pas dire que Allah est au-dessus du ciel. On ne peut pas dire ça. Mais Allah est partout. Et cet enfant, il m'a parlé de ce verset-là. Si tu me dis que Allah... Il m'a dit, si tu me dis que Allah, il est dans le ciel, ça veut dire que le ciel est plus grand que Allah. Si tu me dis que Allah est dans le ciel, ça veut dire que le ciel est plus grand que Allah. Et donc on ne peut plus dire Allahu Akbar. Je lui ai dit, c'est là que c'est bien, c'est important d'apprendre la langue arabe. Parce que fils semé, c'est soit au-dessus du ciel, ala semé, comme on a dans la langue arabe, le terme fi peut vouloir dire ala. Sirou fil ard, voyager sur la terre, c'est pas voyager dans la terre. Ici, le terme « fi » veut dire « ala ». Et donc, « fi semé » au-dessus du ciel. Ou alors, « fi semé », c'est-à-dire « fil ulum », en hauteur. Et donc, c'est là que ce garçon m'a dit « Ah, d'accord, maintenant j'ai compris. » D'où l'importance de faire attention. C'est bien, on est content quand nos enfants ils vont apprendre le Coran. Mais fais attention, chez qui il va apprendre le Coran? Fais attention à ça. Chez qui ton enfant va apprendre le Coran? Chez qui ton enfant va apprendre la langue arabe? وكذلك يقول الله تبارك وتعالى aussi Allah après cela il dit am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaykum haasiba fasata'lamuna kayfa nadhir ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus du ciel n'envoie sur vous un châtiment de pierre, c'est-à-dire un ouragan de pierre, et à ce moment-là vous saurez comment est mon avertissement. Adhabun min fawqina aw min tahtina. Un châtiment qui vient d'au-dessus de nous ou en dessous de nous. Il peut châtier ses serviteurs comme il le veut, tabaraka wa ta'ala. Mais il faut qu'on médite. Il faut qu'on arrête les péchés. L'être humain, il persiste. Il voit que tous les matins, il se lève tranquillement. Il n'y a pas de tremblement de terre. On est là. Et on continue dans les péchés. En pensant que la sanction ne peut pas venir. Il est important qu'on se réveille aux serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous savons que des peuples ont été châtiés avant nous. Nous savons que des individus ont été châtiés ici-bas avant l'au-delà. Alors nous devons nous aussi utiliser cela comme rappel pour nous protéger du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma yakulullahu tabaraka wa ta'ala مُذَكِّرًا عِبَادَهُ بِهَذَا الْأَمْرِ. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il rappelle aux serviteurs ce sujet, le fait qu'il peut les châtier comme il veut, le fait qu'il en a déjà châtié d'autres. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Certes, ceux d'avant eux ont crié au mensonge, ils ont traité cela de mensonge. Comment était ma réprobation? Allah ne pose pas la question comment pour qu'on réponde. Ou parce qu'il ne connaît pas la réponse. C'est pour nous montrer que sa réprobation, le châtiment qu'il a accordé à ces gens-là était terrible et douloureux. Wa qala ahlu tafsir, anna Allah tabaraka wa ta'ala in lam yu'adhib al-kafirin bi hadha al-'adab al-mazkur fi ad-dunya fa innahu sayusibuhum ma yusibuhum min al-'adab ash-shadid fi al-akhirah la mafar. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit si, les savants du tafsir, ils disent si Allah tabaraka wa ta'ala ne châtie pas les incroyants par ce châtiment qu'il a cité ici. S'il ne leur accorde pas ce châtiment ici-bas, alors ils auront dans l'au-delà le châtiment douloureux qui les attend. Et personne ne peut l'éviter, car il est le Tout-Puissant, il fait ce qu'il veut. Il dit tabaraka wa ta'ala pour nous appeler à méditer. Et voilà, miaraw ila tairi fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman. N'ont-ils pas vu les oiseaux, l'oiseau au-dessus de leur tête, au-dessus d'eux, qui vole, qui tend ses ailes et les rabat? Qui les retient? Qui retient cet oiseau? C'est-à-dire de tomber, si ce n'est Allah. Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, il appelle, il incite les serviteurs à méditer sur sa création. Cet oiseau qui vole, que tu vois tous les jours voler, se déplacer dans le ciel, à droite, à gauche, médite. Car cela te montre la puissance de celui qui a créé cet oiseau et le fait qu'il fait ce qu'il veut. Et que c'est lui qui a assujetti le vent, l'air pour cet oiseau, afin que celui-ci puisse utiliser cela pour voler. Et aussi, nous pouvons méditer sur les avions. Les avions qui volent dans le ciel. Qui retient ces avions de tomber si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala? Ces avions. Quelle est l'origine de l'avion? Certains disent que l'avion, A-V-I-O-N, je ne me suis pas trompé, Youssouf, c'est comme ça. Et donc l'avion, donc appareil volant identique, ou un mot de ce sens-là, appareil volant identique à l'oiseau naturel. Parce qu'ils disent que l'avion vient de l'oiseau. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué l'avion en fonction de ce qu'ils ont vu de l'oiseau. Et certains disent non, c'est pas du tout ça. L'avion, il vient du mot, donc du latin avis. Avis qui veut dire oiseau. Et donc dans tous les cas, ils se sont basés sur cet oiseau pour fabriquer l'avion. Une fois, j'ai débattu en Tunisie, c'était il y a plusieurs années, avec un ingénieur. Donc on débattait concernant l'existence de Dieu, l'existence d'un créateur. Il me dit, non, jamais, c'est pas possible. Non, il n'y a pas de créateur. Arrêtez vos bêtises, là. Je ne crois que ce que je vois. J'ai dit, ok, mais vous avez donc déjà participé à la fabrication des avions. Comment on fabrique un avion, etc., dans les détails. C'est vous qui vous occupez de ça. Oui, bien sûr. Ok, est-ce qu'un avion peut se fabriquer de lui-même? Hâte, dis-moi. Un avion peut-il se fabriquer tout seul? Il vient, il arrive, il se fabrique tout seul. Il y a un Big Bang qui fait un avion comme ça. Il s'est fabriqué tout seul. Ou alors, c'est obligatoire qu'on envoie des gens comme vous qui fassent une étude, etc. Ensuite, il y a une équipe qui vient et là, il fabrique un avion. Il m'a dit, ouais, c'est ça, c'est la deuxième solution. Ok, d'accord. Et le monde entier, comment on fait? Un avion tout seul, un simple avion, tout seul. Tu ne veux pas croire qu'il s'est fabriqué tout seul, mais toute la terre entière, toute la terre entière, elle s'est fabriquée toute seule? Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Ça, c'est vraiment un gros mensonge, ça. C'est vraiment un gros mensonge. Le fait de faire croire aux gens que toute la terre, elle s'est créée toute seule. فَمِنَ الْعَجِيبِ أَنْ يَتَأَمَّلَ شَخْصٌ فِي طَيْرٍ لِيَصْنَعَ الطَّائِرَاتِ وَلَا يَتَأَمَّلْ فِي قُدْرَةِ خَالِقِ هَذَا الطَّيْرِ. C'est surprenant de voir comment un homme peut méditer sur un oiseau pour fabriquer un avion sans méditer sur la puissance de celui qui a créé cet oiseau. Quand tu as les yeux fermés, tu as les yeux fermés. Quand tu es aveuglé, tu es aveuglé. Tout simplement. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit aussi dans un autre verset pour nous appeler à méditer sur cela, « Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun » Ont-ils été créés à partir de rien? Ou alors c'est eux les créateurs? Ont-ils été créés à partir de rien? C'est-à-dire, comme on a dit pour l'avion, un avion qui s'est fabriqué tout seul. Est-ce qu'un avion s'est fabriqué tout seul? Il va te dire non, c'est pas possible. Ok, d'accord. Et donc, on n'a pas été créé à partir de rien. Ok. Deuxième solution. Est-ce que c'est vous les créateurs? Est-ce que c'est vous les créateurs? Non. Ok. Seule solution, c'est la troisième. أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم. C'est que Allah تبارك وتعالى c'est lui qui vous a créé. Et donc Allah Azza wa Jal, il nous appelle à méditer souvent dans le Coran. L'être humain doit méditer, doit réfléchir, utiliser cette raison qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a accordée. Et c'est pour cela que dans Sahihain, Sahih al-Bukhari et Muslim, Jubair ibn Mut'im, qui nous dit que son père, il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam réciter ces versets, alors qu'il n'était pas musulman. Il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter Sourate At-Tur pendant Salat al-Maghrib, jusqu'à ce qu'il arrive à ce verset-là. Lorsqu'il a entendu ça, il dit Kaide kolbi en yatir. Il a dit mon cœur a failli s'envoler. Parce qu'il a compris, mais oui, bien sûr, c'est pas possible. Et donc c'est obligé qu'on ait un créateur. Et si on a un créateur, il faut qu'on lui obéisse, il faut qu'on l'adore. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, à la fin de ce verset, il dit « Innahu bi kulli shay'in basir ». Certes, il voit toute chose. Après nous avoir cité la situation de l'oiseau qui vole, il nous dit qu'il voit toute chose. « Na'am, faya'alamu ma tusirruna wa ma tu'linun ». Et donc, il sait ce que vous cachez et ce que vous montrez publiquement. On ne peut rien lui cacher, tabaraka wa ta'ala. « Wa ya'alamu kulla ma tahtajuhu ». Et donc, il sait parfaitement tout ce dont ses créatures ont besoin. Il sait que l'oiseau, il a besoin de ça pour voler. L'être humain a besoin de ça pour marcher. Besoin de ça pour se nourrir, pour vivre, pour respirer. فَأَمَرَ الْإِنسَانِ بِمَا يَسْلُحُ لَهُ وَمَا يَنْفَعُهُ. Alors il a ordonné à l'être humain de faire ce qui est un bien pour lui et ce qui lui est profitable. Il lui a interdit de faire ou il lui a interdit ce qui est un mal pour lui. Parfois certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Mais pourquoi ça c'est haram? Pourquoi le manger du porc c'est haram? Pourquoi manger au McDonald's, c'est pas halal? Pourquoi c'est haram? Parce que Allah, il veut ton bien. Et qu'il t'a interdit ce qui te fait du mal. Parfois, tu as du mal, l'être humain a du mal à comprendre ce qui est un bien pour lui et ce qui est un mal pour lui. Allah a interdit à l'être humain ce qui est un mal pour lui. Il lui a interdit. On a un exemple avec l'alcool. À chaque fois, les gens qui te disent juste un petit peu, un petit verre. Juste un petit verre. Et ensuite un deuxième. Et ensuite. Et c'est là qu'on assiste à des catastrophes, des accidents graves. Un homme qui peut tuer sa propre mère parce qu'il est ivre, etc., etc. Ou alors même sans ça, les maladies que peuvent créer l'alcool. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, qu'on comprenne cela. Allah nous ordonne ce qui est un bien pour nous. Et il nous interdit ce qui est mal, ce qui est mauvais pour nous. Ensuite, il dit, tabaraka wa ta'ala, أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Qui est celui qui sera pour vous une armée? Celui qui sera pour vous un protecteur, qui pourra vous secourir en dehors du tout miséricordieux. Qui peut vous secourir en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala? مَنْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ. Qui peut vous secourir et vous protéger du châtiment d'Allah, tabaraka wa ta'ala? Les êtres humains ont leur divinité. فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ عِيسَى. Il y a parmi eux ceux qui vont adorer Jésus. Il y a parmi eux ceux qui vont adorer Marianne. Et il y a parmi eux ceux qui vont adorer d'autres divinités. Allah, tabaraka wa ta'ala, a montré dans ce verset la fausseté et la faiblesse de toutes les divinités en dehors de lui, tabaraka wa ta'ala. Qui peut vous secourir en dehors d'Allah? Personne. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, dans un autre verset, il dit: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ. Certes, on mécru ceux qui disent que Allah, c'est le Messie, fils de Marianne. Ils disent que Allah, c'est Jésus, c'est le même. Allah, selon eux, c'est Jésus. C'est pour ça que c'est important, parfois, certains disent, certains musulmans, ou beaucoup de musulmans même, ils disent que les chrétiens croient en Jésus. C'est faux, les chrétiens ne croient pas en Jésus. Les chrétiens ne croient pas en Jésus. Lorsqu'on te dit, est-ce que tu crois en Mohammed, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu crois en son existence, qu'il est né, ensuite qu'il est mort, ou alors tu crois en sa prophétie. Ça veut dire, tu crois en sa prophétie. Et donc, est-ce que les chrétiens croient en la prophétie de Issa? Non, ils ne croient pas en la prophétie de Issa. Pour eux, c'est rabaissant de dire que Issa, c'est un prophète. Les prophètes font des péchés, mais Issa ne fait pas de péché. Selon eux, Jésus ne fait pas de péché. Et donc, tu ne peux pas dire que Jésus est un prophète, selon eux. Jésus, c'est Dieu, selon eux. Et donc, c'est une erreur de dire que les chrétiens croient en Jésus. Ils croient en son existence, oui. Ils croient qu'il a existé. Mais en sa prophétie, non. Peut-être les premiers chrétiens y ont cru, oui. Mais aujourd'hui, non. Va me trouver un chrétien qui croit au fait que Jésus a été envoyé par Dieu pour appeler les gens à adorer Dieu. Va me trouver un chrétien qui croit à ça. C'est le débat. Et donc Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit, certes on mécru, ceux qui disent que Jésus est, ceux qui disent que Allah est donc le Messie fils de Maryam. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Dit, qui détient quelque chose contre Allah? Qui détient quelque chose contre Allah? S'il voulait anéantir Jésus, le Messie, fils de Mariam, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre. Tous ceux qui sont sur la terre. Si Allah voulait tous nous anéantir, qui peut lui empêcher de le faire? Personne. Et donc, arrêtez d'adorer de fausses divinités. Des divinités qui ne peuvent pas vous protéger. Et c'est surprenant. La croyance chrétienne est une croyance qui est vraiment surprenante. Exemple, c'est eux qui disent que Jésus a été crucifié. Nous, on ne dit pas ça, non. Eux, ils disent que Jésus a été crucifié. Taïb, comment est-ce que vous pouvez implorer Jésus de vous secourir? Comment il va vous secourir alors qu'il n'a pas pu se secourir lui-même? Il n'a pas pu se secourir lui-même. Comment il peut vous secourir et vous aider? Et donc, qui peut nous protéger du châtiment d'Allah en dehors de lui? Personne. Et c'est là que je vais poser une question, comme j'ai annoncé. Une petite parenthèse. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, marhaban bikoum. Donc, moi, c'est Abdul Karim. Je m'appelle Abdul Karim. C'est mon nom depuis que je me suis converti à l'islam. C'est le nom que j'ai choisi. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent Abdul Karim. Si je marche dans la rue et que j'entends qu'on m'appelle, qu'on dise Abdul Karim, je vais me retourner pour chercher qui m'a appelé. Mais mes parents, ils m'ont appelé et jusqu'à aujourd'hui, ils m'appellent Kevin. Et donc, souvent, il se peut qu'il y ait des personnes qui disent dans la rue Kevin et je me retourne. Chez nous, chaque personne a deux prénoms. Il y a Kevin et Jonathan. Si on m'appelle Jonathan dans la rue, je ne vais pas me retourner. Parce que oui, c'est marqué sur mes papiers que c'est Kevin Jonathan. Mais mes parents ne m'ont jamais appelé comme ça. C'est juste sur les papiers. Ma mère, elle m'a appelé, souvent elle m'appelait Vivine. Donc si j'entends dans la rue Vivine, je ne vais pas me retourner. Sauf si j'entends la voix de ma mère. Si c'est quelqu'un d'autre, je ne vais pas me retourner puisque c'est que elle qui m'appelle comme ça. Il y a des personnes, depuis que j'ai été en Arabie Saoudite, mes enseignants et des étudiants, ils m'appelaient Ebtawil. Ebtawil, voilà. Ebtawil en arabe, ça veut dire le grand. Et donc souvent à Médine ou à la Mecque, on m'appelait Ebtawil. Donc si je marche et que j'entends Ebtawil, je vais me retourner pour voir qui m'a appelé. D'accord? Il y a aussi mon nom de famille, Plaisel. Chez nous, en Martinique, c'est aussi un peu comme en Afrique. Beaucoup de personnes, on s'appelle par le nom de famille. On ne s'appelle pas par le prénom. Parfois, quand je vais visiter mes frères, que ce soit mes frères maliens ou autres, j'ai mon ami qui est de la famille Yatera. Tous ses amis l'appellent Yatera. Ils ne l'appellent pas par son prénom. Les gens l'appellent Yatera. Comment ça va, Yatera? Ils ne l'appellent pas son nom de famille. Chez nous, en Martinique, c'est pareil. J'ai beaucoup d'amis qui peuvent m'appeler Plaisel. Donc, si j'entends Plaisel dans la rue, je vais me retourner. Même si on est plusieurs Plaisel, on va tous se retourner. Et donc, tout ça, pourquoi est-ce que j'explique cela? Parce qu'ici, j'ai cité plusieurs noms. Mais c'est la même personne. C'est moi. Ça veut dire que si un jour, tu demandes quelle est la date de naissance de Abdul Karim, est-ce que c'est la même que Kevin et que Jonathan et que Tawil, etc.? Oui, c'est la même date de naissance parce que c'est le même individu. Après ma mort, si un jour les gens demandent quand est-ce qu'il est mort, Abdul Karim ou Kevin ou Jonathan ou Vivine, il est mort quand? C'est la même date pour tous ces noms parce que c'est la même personne. Si tu demandes qui est la mère de Ebtawil, la mère de Ebtawil, on va te dire oui, c'est la fille du diacre, le responsable de l'église de Sainte-Marie. Ok, mais c'est qui la mère d'Abdul Karim? Ben, c'est la même, puisque Abdul Karim, Ebtawil, Kevin, Vivine, c'est le même. Ok, d'accord. Et si tu demandes qui a envoyé Abdul Karim, Kevin ou Vivine ou autre, tout le monde te dira personne ne l'a envoyé, c'est pas un prophète. C'est pas un prophète, personne n'a envoyé ni Vivine, ni Abdul Karim, ni Kevin, ni Tawil, ni un autre. Il ne fait pas partie des prophètes. Ok, d'accord. Taïb, donc maintenant moi, la question que je pose à tous les chrétiens, tous ceux qui me disent que Jésus, c'est Dieu. Quand est né Jésus et quand est né Dieu? Est-ce qu'ils sont nés au même moment? Qui est la mère de Jésus? Qui est la mère de Dieu? Est-ce qu'ils ont la même mère? Est-ce qu'il y en a un qui a une mère et l'autre qui n'en a pas? Quand est mort Jésus? Et quand est mort Dieu? Dites-moi, s'ils ont la même date ou s'il y en a un qui est mort et l'autre qui n'est pas mort ou qu'il y en a un qui peut mourir et l'autre ne peut pas mourir? Dites-moi, qui a envoyé Jésus et qui a envoyé Dieu? Cette question que je pose à tous les chrétiens. Mais à vrai dire, je vous pose toutes ces questions juste pour vous amener à réfléchir. Car je sais que vous les chrétiens, vous savez pertinemment que dans la Bible, Dieu l'Éternel n'a pas de début ni de fin. Il n'a donc pas de date de naissance. Contrairement à Jésus, qui lui est né un jour. De la même façon que vous savez pertinemment que dans la Bible, Dieu l'Éternel ne meurt pas. Il n'est pas mortel. Il ne peut donc pas avoir de date de mort, contrairement à Jésus. De la même façon que vous savez que Dieu l'Éternel, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de naissance, n'a pas non plus de mère, contrairement à Jésus. Et donc ces quelques questions, elles vous permettent de comprendre que Jésus n'est pas Dieu et que Dieu n'est pas Jésus. Et donc il est important, ô chers frères, barakallahu fikoum, d'appeler les gens à réfléchir, à méditer. Et c'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait dans son livre. Il appelle tous les incroyants à méditer et à réfléchir. Et il dit tabaraka wa ta'ala, le dernier verset qu'on verra aujourd'hui, Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa. Qui est celui qui vous accordera de la subsistance si lui, il retient sa subsistance. Si Allah tabaraka wa ta'ala fait en sorte qu'il n'y ait plus d'eau sur terre, sécheresse, plus de lumière, on mange quoi, on boit quoi? Pas de lumière, pas d'eau, pas de plantes. Pas de plantes, pas d'animaux, pas de viande. On mange quoi, on boit quoi? Et donc, revenez, nous devons, il est important qu'on revienne à Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui a tout créé, celui qui gère tout. On va arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Et on continue donc l'explication de cette sourate la semaine prochaine. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.